Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'aventure sonore dédiée, consacrée aux expérimentations acoustiques, aux tonalités inclassables, aux musiques dites nouvelles, que j'aime bien qualifier de merveilleuses parce qu'elles mettent en branle l'imaginaire sonore, thème qu'aimait exploiter l'artiste Raymond Gervais. Vous le savez, on s'en réjouit d'ailleurs, les salles de spectacle ont repris leurs activités. Le contexte s'y prête de revenir à la normale, d'assister aux activités en personne. Et d'autant que les programmations artistiques de qualité sont nombreuses, expositions, performances, concerts. Et pour dire qu'une fois devient coutume, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jeffrey Stonehouse, directeur artistique du Vivier, cet organisme montréalais qui s'active sur la scène des nouvelles musiques depuis une quinzaine d'années, notamment sur le plan de la diffusion, certes, mais aussi de la sensibilisation des publics aux formes très novatrices que prennent aujourd'hui l'art des sons, les musiques exploratoires et les nombreux avatars, et ces nombreux avatars au sens large du terme. Mais d'abord, je vous présente Jeffrey Stonehouse qui signe cette année son premier programme à titre de directeur artistique du Vivier. Très actif comme flûtiste dans le milieu des musiques nouvelles, Jeffrey s'est produit au sein de nombreux ensembles, dont le NEM, directeur artistique de l'ensemble Paramirabeau, qu'on a entendu au cours de l'émission la saison dernière. Jeffrey est demeuré à l'affût des courants et des tendance artistique très actuelle. Il est lauréat de plusieurs concours nationaux, diplômé des universités McGill et Wilfrid Laurier, ainsi que du Conservatoire de musique de Montréal. Tout un parcours. Alors, outre l'ensemble Paramirabeau, Jeffrey collabore avec de nombreux ensembles, entre autres l'Orchestre métropolitain de Montréal, la Symphonia de la Naudière et l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Je retrouve donc Jeffrey Stonehouse devant son écran pour discuter du programme artistique de l'automne 2022 du Vivier. Ce diffuseur et programmateur de spectacles qui rayonne depuis la ville de Montréal et dont la mission vise à favoriser la connaissance et le développement des musiques nouvelles, actuelles. Alors, sans plus tarder, je vous propose cet entretien que m'a accordé Jeffrey Stonehouse à propos des spectacles et performances à venir au calendrier automnal du Vivier. Alors voilà, parole à Jeffrey Stonehouse. Jeffrey Stonehouse, bienvenue à l'émission. Très heureux de te revoir encore en début d'année, début de saison. Merci beaucoup. Jeffrey, en lisant la communication, c'est la première programmation signée Jeffrey Stonehouse cette année. Une programmation assez diversifiée, très intéressante. 16 concerts de très nombreux artistes, créateurs, compositeurs. Jeffrey, ma première question, quel a été les éléments déterminants dans la construction de ce programme cette année? Oui, bien, premièrement, c'est un plaisir pour moi de dévoiler cette programmation. Bien, on n'est plus tant dans le dévoilement, on est plus maintenant dans les entrevues de suite, mais pour moi, le fait de travailler avec les membres du Vivier, d'avoir des discussions sur le contenu de leurs projets à venir, c'est des rencontres qui sont riches et très stimulantes, en fait, de voir comment tout ça pourrait s'arrimer à l'intérieur d'une programmation du Vivier. Ça a été tout un exercice pour moi, cette première, donc j'ai eu beaucoup de plaisir, en fait. La programmation a on pourrait dire quelques axes principaux. La première étant en fait que tous les membres du Vivier se mobilisent pour accueillir la compositrice Alla Zagajkevitch, qui est une compositrice ukrainienne, qui va être avec nous à partir de la mi-octobre jusqu'à en fait la mi-février. Donc, Alla rentrera en dialogue avec les membres du Vivier. Donc, le concert du 16 octobre prochain qu'on a met vraiment son travail en valeur avec plusieurs différents groupes qui vont interpréter les œuvres à Madame Zagajkevitch. Et par la suite, en fait, tout ça se culmine avec deux commandes. Au Nouvel Ensemble Moderne et aussi à l'Ensemble Contemporain de Montréal. Donc, quand même un projet d'accueil ambitieux dans un contexte global en ce moment où on sentait vraiment un besoin, l'équipe du Vivier, de poser un geste de solidarité, en fait, avec les artistes ukrainiens. Donc voilà, ça c'est un axe qui m'est très cher en fait par rapport à la programmation cette année. Une deuxième, on a vraiment un accent sur la relève cette année, une forte présence de la relève. Et tout ça a commencé par un des premiers événements de notre saison qui était le Big Bang, le sommet de la création avec Nicolas Ellis et l'orchestre de l'Agora. Et en fait, on va suivre cette évolution tout au cours de la saison. Une forte présence dans la deuxième partie de la saison qu'on va vous dévoiler sous peu. Mais vraiment une nouvelle façon, en fait, de voir notre relation avec les artistes émergents. Et notre façon d'accompagner la relève pour, en fait, faciliter leur accès à nos espaces de diffusion et augmenter les points de contact avec le public montréalais. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très excitant. Oui, tout à fait. Jeffrey, dans cette foulée, j'aimerais que tu nous rappelles tout de même le mandat du Vivier, qui est un organisme dédié aux musiques nouvelles, certes, mais qui rayonne aussi à travers de nombreuses activités. Oui, donc le Vivier est un diffuseur spécialisé en musique nouvelle, en musique de création. Notre mandat principal, c'est vraiment de faire évoluer et rayonner notre discipline. On est formé d'une soixantaine de membres, qui inclut des membres individuels artistes, mais aussi beaucoup des producteurs en musique nouvelle et en musique de création à travers le Québec. Donc, c'est en fait même plus large que uniquement Montréal. On commence à avoir des membres aussi qui sont à Québec, à Chicoutimi, exemple. Et comme je dis, notre but, c'est de faire rayonner la musique nouvelle. Donc ça peut être à travers notre série de concerts, mais aussi à travers l'accueil d'artistes internationaux pour encourager la réciprocité et le déplacement de, en fait, nos artistes d'ici à l'international. Jeffrey, allons-y directement à ce programme, à ton premier programme. Il y a la semaine prochaine un spectacle qui a pour titre Celestial Blue, qui regroupe le violoniste, je crois, Mark Feuer et le compositeur Daniel Chang. J'aimerais que tu me parles de ce projet. Donc, ce projet est en fait un accueil qui a été initié par le Canadian Music Center de Toronto. Et c'est à l'intérieur d'une tournée pan-canadienne de Daniel et de Mark qui vont être de passage à Montréal. C'est un super beau programme, un peu je dirais presque du folklore réimaginé. Donc, Mark Feuer, qu'on connaît bien, il a été longtemps basé ici à Montréal, en fait, un excellent violoniste. Et Daniel Jenke, qui est compositeur et pianiste, qui est basé au Yukon. C'est un très beau travail. J'ai écouté ce matin quelques trames de leur dernier album. Et si tu veux, on va écouter une pièce d'ailleurs tirée de cet album qui s'intitule Constant Sorrow. C'est la partie 1. Et ça va donner le ton de ce beau travail de composition et d'interprétation de Mark et Daniel. On écoute ça. Jeffrey, ça se poursuit tout de même, cette programmation. Fin de semaine du 14, je crois, 14 octobre, 15 octobre, là, il y a du lourd. C'est un moment clé parce qu'on retrouve là du travail de composition, du travail avec les instruments inventés de Jean-François Laporte, Totem contemporain. Raconte. Donc, on a une présence ici d'un concert de innovation en concert, en fait. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est une pièce de Morton Feldman qui sera jouée et aussi une présence de Pierre-Luc Sénécal qui tourne tout autour de les œuvres d'une artiste visuelle, Tiffany Moore. Et donc, un concert immersif où vraiment le public va pouvoir apprécier. C'est une espèce d'immense murale que Tiffany a fait, mais qui a été prise en vidéo et qui sera remontée en projection. Donc, vraiment une super belle expérience. Jeffrey, si tu veux, on va écouter un extrait du projet avec Pierre-Luc Sénéchal, projet de création intitulé Natch. Jeffrey, 9 octobre, un projet intitulé Inside Your Ears. Et c'est un projet réalisé autour de l'orgue à sirène, sirène au pluriel, un instrument inventé par Totem Contemporain, Jean-François Laporte. Parle-nous de ce projet qui est très palpitant. Oui, donc ici, un projet qui propose une expérience complètement immersive. Pour ceux qui n'ont pas entendu l'orgue de sirène, c'est vraiment une expérience particulière. Il y a une vibration en salle qui est vraiment, c'est vraiment une expérience physique en salle. Et Jean-François Laporte invite et en fait va faire découvrir la musique de Phil Niblock, un cinéaste, et vidéaste et compositeur américain qui fête ses 89 ans. En fait, et ça sera une première canadienne. Jeffrey, on va faire entendre aux auditeurs de cet instrument inventé qui est l'orgue à sirène. On va écouter une œuvre de Lynn Catchow. Ça s'intitule Corps de brume et c'est une interprétation à l'orgue de sirène. C'est vraiment une pièce magnifique. Alors, on écoute ça. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Je vous reviens très vite en compagnie du directeur artistique du Vivier, Jeffrey Stonehouse, le Vivier qui est le carrefour de musique nouvelle, qui est situé à Montréal et qui, à travers Jeffrey, nous présente ce soir son programme artistique automnal. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, c'est La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, le 89.1 et ckrl.qc.ca sur la toile. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous trouverez ça facilement, ainsi que la plupart des émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute immédiate ou en différé. C'est à votre guise. Alors, je m'entretiens ce soir avec le directeur artistique du Vivier, Carrefour des musiques nouvelles, Jeffrey Stonehouse. Je rappelle que le Vivier, c'est un diffuseur établi à Montréal et qui a pour mandat de faire connaître et rayonner les artistes, les productions, les nouvelles formes d'expérimentation sonore et musicale. C'est un acteur important de la scène expérimentale des arts sonores et des musique exploratoire à Montréal sous des formes éclatées, inattendues. Alors, sans plus tarder, on poursuit cette rencontre, cet entretien que m'a accordé Jeffrey Stonehouse, directeur artistique du Vivier, à propos du programme qui arrive, là, le programme automnal du Vivier. Alors, on poursuit. Jeffrey, le Vivier est associé cette année encore à Québec Musique Parallèle, un projet qui est piloté par Quatuor Bosini, un projet vraiment intéressant qui était en tournée l'année dernière. Ils sont probablement encore en tournée cette année, tu me racontes. Ils font en tout cas un point d'arrêt au Vivier. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce projet parce que c'est un projet extrêmement intéressant. Oui, on a une soirée de musique vraiment éclatée quand la caravane, on pourrait dire, de Québec Musique Parallèle s'arrête à Montréal. Cette fois-ci, il y a un concert double avec le Quatuor Bosini, mais aussi Yanis Kyriakides et Thomas Moore qui seront là à interpréter deux sets, en fait, avec le Quatuor. Alors, on va écouter un extrait. Au moment où on se parle, on n'a peut-être pas tout à fait l'extrait, mais on va entendre tout de même ensemble un projet du quatuor Bosini pour parler d'eux, parce que c'est un quatuor tout de même important et qui est extrêmement préoccupé par la diffusion des nouvelles musiques. Alors, on écoute Quatuor Bosini. Jeffrey, le travail avec Bosnie ne s'arrête pas à ce projet. Ils reviennent dans la programmation quelques semaines plus tard, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Donc, le 19 novembre, le Quatuor Bosnie sera de retour pour un double concert. Le Quatuor va être en tournée en Angleterre. Ils vont jouer au prestigieux Wigmore Hall à Londres. Et donc, on aura la chance d'entendre des œuvres de Kathleen Smith, Cassandra Miller, Tania Tagak et plusieurs des quatuors de Gerard Berry. Tu viens de citer Tania Tagak, figure importante des nouvelles musiques, de l'expérimentation sonore. Elle est d'origine autochtone et on va écouter un extrait d'une œuvre de Tania Tagak. On écoute ça. Thank you. Jeffrey, il y a ce programme que je trouve très intéressant. Ils sont là à chaque année, ou presque, ce groupe Architecte Percussion, qui fait un travail très singulier. Ils vous proposent un projet qui s'intitule « We are for a while ». J'aimerais là encore que tu nous donnes le goût de venir les entendre, les écouter au Vivier. Donc, le concert du 19 novembre de Architecte Percussion, en collaboration avec la compositrice Vitalia Glovacic, qui explore en fait la lutherie sauvage. Donc ça, c'est des instruments récupérés ou même des objets que le quatuor de percussion jouera dessus. Vraiment un moment où il donne un second souffle à ces instruments qui sont brisés et des musiques qui sont empruntées. Alors, on va écouter un extrait de ce travail d'Architecte Percussion. Have a pin for an eye, a pin for an eye, but how do you see? I don't know. I found the pen in the laundry bin. The laundry bin's no place for a pen. I made my legs from scraps and pegs. Which scraps are these? You speak of, please. Oh, you know. We love your legs, they stand apart. Apart from those bits you left at the tip. All of us together, by virtue of our parts, join at the hips with the welding scars and snap machines still for the dreams of flesh passing to pass, passing to pass, passing. Et Jeffrey, une heure vite passée, c'est un programme, on a un aperçu de ce programme. Rappelle-nous les lieux de diffusion du Vivier cette saison, cet automne. Oui, donc le Vivier a plusieurs partenariats avec des lieux de diffusion, entre autres l'Agora de la danse, donc à l'édifice Wilder. On présente nos concerts à l'espace orange, mais aussi l'espace bleu. Au Wilder. Aussi, nouvellement cette année, on a un partenariat avec la Chapelle Scène Contemporaine. On est très content que les musiques nouvelles vont rayonner à nouveau dans cet espace. Jeffrey, levivier.ca, c'est l'adresse du site Internet pour retrouver tout le détail de la programmation, la billetterie et tout ce qu'il faut savoir sur à la fois le mandat du Vivier, ses activités autour de la promotion, la diffusion des nouvelles musiques qui glissent parfois du côté des arts sonores. Bref, un travail, un mandat extrêmement stimulant. Grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. Merci beaucoup, Guillaume. Ouais, et bonne saison, Vivier. On termine ça sur un titre du Quatuor Bosini. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. J'en profite pour remercier Jeffrey Stonehouse de nous avoir brossé ce portrait captivant du programme de musique nouvelle qui s'amène au Vivier. Dès cette semaine, dans les prochains jours, programme dont vous retrouverez le détail sur le site du Vivier, levivier.ca. Et voilà, pour clore l'émission, on poursuit l'écoute là, d'une création sonore du quatuor Bozzini. C'est une interprétation magnifique d'une œuvre du compositeur et artiste américain Alvin Lucier. C'est tiré d'un album intitulé Navigation, pour la prononciation anglaise. La semaine prochaine, je vous parle de Québec Musique Parallèle, événement ambulant et organisé par justement Quatuor Bozzini et le label Tour de bras de Rimouski. Alors voilà, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Alors voilà, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. CKRL 89.1.